Les menottes, les notes, la machine à taper. Ton nom, prénom, naissance, nationalité. Poche vidée, ensuite lacée, ceinture enlevée. Feu d'artifice et l'armistice, le pays est en fête. Pour moi la fête en garde à vue dans les cages de la police. 9h, 11h, parle, ton nom est sur le tas. J'ai fait 6 pas dans l'enfer des galères. La poisse, les empreintes, les plaintes et ce tribunal. Ma famille et mes proches en soutien principal. Les flics éclatent, roulent à fond, bon mon avocat est clair. Mais le juge persévère, il est 20h, mon matricule 49-203, j'entre en cellule, des 128, la porte claque, mon cœur bat. Mon cousin 49-204, me parle de date, me mate, enchaîne, soleil, business et rate. Le trouble est dans ma tête, et le maton mon corps guette. Est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreau, porte bloquée, ma vie est bloquée. Un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés. Les jours se répètent, et le maton mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreau, porte bloquée, ma vie est bloquée. De derrière l'œillet, je rêve de m'évader. Le trouble est dans ma tête, et le maton te guette. Première nuit, matelas pourri, lit superposé. Carreau cassé, les rats passent sous mes pieds. Au réveil, j'ai comme la corde au cou dans cette cage qui fouette. Dans la cour, les corbeaux, les mouettes font la fête tout l'heure. Résonne encore derrière les portes du pénitencier. Dans ma tête, gamelle, parloir, courrier tourné. Visite médicale, anormale et mon état zéro. Au moral, plus la matinale. Goal, mes dents me font mal. J'ai des boutons dans le dos, passif et les 100 pas parmi les prisonniers. 3 mètres de mur, 2 de grillage et un de barbelé. 8 douches dans le mois, en sueur sans bouger. Soirée télé, coucher, soleil d'été levé. Mon neveu que je n'ai pas vu naître au parloir me rend ouf. Dans ces murs, l'odeur des chiottes, du sale, de la bouffe. J'étouffe dans ce goulag, la cellule, le stalag. Les jours se répètent, et le maton mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreau, porte bloquée, ma vie est bloquée. Un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés. Les jours se répètent, et le maton mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreau, porte bloquée, ma vie est bloquée. De derrière l'œillet, je rêve de m'évader. Le trouble est dans ma tête, et le maton te guette. Il suffit d'être au mauvais moment, mauvais endroit. Et vlant dans tes dents, tu choisis pas, prends ça, trahis ma vie. Mon nom s'allie comme si j'étais un assassin. C'est comme perdre une partie de poker contre Satan. Dans cette merde en chien, traité en moins que rien. Certains sortent puis reviennent de nouveau sous écrou. Dans ma cellule incamée, prends un cachet à chaque gamelle. Nouvelle, un suicidé évacué, menotté, c'est le dawa. Enfin pactage, libéra pour 49-203. Ah, pas si t'es sorti. Ça faisait des mois, j'ai remis lunettes, ma casquette et mes blanches baskets. J'ai rouvert et j'ai encore moins le goût pour la fête. Autour toujours nos embrouilles de rebeux et négro. Et le B de bleu sonne avec le B de barreau. Je dois signer, dire présent une fois par semaine, que personne m'engraine. Je dois pas me faire serrer avant mon jugement. Chez nous le son ne dit jamais, ça y est c'est fini. Ça m'arrivera pas, pas moi, moi je pourrais pas béton. Donc à tous les lascars qui ont tourné dans le noir, à toutes les familles qui attendaient au parloir, à tous les concernés par ce genre d'histoire, bonne chance si tu passes devant la barre. Judas fut le mauvais œil pour l'homme de Nazareth. Toi, n'oublie jamais que le maton nous guette. Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreau, porte bloquée, ma vie est bloquée. Un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés. Les jours se répètent, et le maton mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreau, porte bloquée, ma vie est bloquée. De derrière l'œillet, je rêve de m'évader. Le trouble est dans ma tête, et le maton te guette. J'ai pas ta voix, encore moins la vision. Mais la mine de ton crayon m'offre une brève évasion. Mon corps est détenu, mais mon âme et mon esprit peuvent rejoindre l'horizon dans une brève évasion. Et le maton te mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Porte bloquée, courrier, brève évasion. Donc à tous ceux qui ont galéré, qui galèrent en prison, à tous ceux qui te soutiennent pour pas que tu pètes les plombs. Tout le temps, tant de hargne, tout le temps, tant de larmes. Une pensée aux disparus, une pensée aux enfermés. Bois d'Arcy, Onifrène, Fleury, Santé, Nanterre, les Baumettes et les autres zonzons. Parloir, courrier, tourné, c'est la mer, tu le sais. Dans tous les quartiers, quand le maton te guette. Ouais. Quand le maton te guette.